libre-échange, Sylvain Blondin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de le magazine de la santé Libre-Échange. Libre-Échange diffusé, rediffusé sur pas mal de d'autres partenaires de stations que je salue. Nous avons, tout au long de ces années passées, parce que c'est maintenant Libre-Échange, ça fait un moment que notre émission est là et qui devient, je veux dire, écoutée de plus en plus par nos auditrices, nos auditeurs, mais aussi dans lesquels nous avons des intervenants de qualité. Et nous parlons régulièrement de la prévention. Et dans la prévention, aujourd'hui, nous allons parler de la drogue. Drogue, deux points. L'interdit protège-t-il toujours? Et cette question qui peut être qui se pose, eh bien, elle peut se poser aussi beaucoup plus largement. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes sur le plateau, en la présence de Jean-Luc Ferry, qui est coordinateur Aide Grand Est, donc l'association Aide. Je rappelle, l'association, c'est le site www.aide.org, et le docteur Olivier Bertrand, qui est médecin généraliste, addictologue, avec qui nous allons parler justement de ce thème, sur ce thème-là aujourd'hui, mais également qui est président de l'association Normal France. Docteur, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Salut. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Et donc, alors, docteur, justement, parlez-nous déjà peut-être l'association en elle-même. On peut en parler, je pense, parce que c'est important. Oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas président, mais je suis membre du bureau exécutif. C'est une direction collégiale, une association démocratique et très ouverte, qui a pour objectif de fédérer la société civile autour d'une réforme des lois sur le cannabis pour mieux réduire les risques liés à son usage et pouvoir mieux encadrer, mettre des règles et des normes pour définir ce qui est acceptable et ce qui est moins acceptable parce que dommageable pour l'individu ou pour la société. Nous avons un site internet sur lequel on peut avoir des informations. Tout à fait, www.normal.fr. Alors Normal, N-O-R-M-L.fr. En fait, c'est normal sans le A. L'idée, c'est de normaliser la parole sur le cannabis, de normaliser les bonnes pratiques, c'est-à-dire les usages à moindre risque, et puis d'amener du savoir, des connaissances dans la population générale pour que les parents puissent à nouveau reprendre en main l'éducation de leurs enfants sur ce sujet, puisque en fait la loi de 70 les a un petit peu infantilisés, les a mis de côté en disant « pas besoin d'en parler, de toute façon c'est interdit ». Alors justement, dans votre association, il y a des membres, vous avez certainement des juristes, on parle de loi, donc loi veut dire juridiction, juriste, avocat. Vous avez des membres de l'association qui travaillent justement sur l'amélioration de ces lois, qui font des propositions, comment cela se passe? Exactement, en fait on a une commission d'experts interdisciplinaires, donc à la fois des médecins, des pharmaciens, des addictologues, mais aussi effectivement des juristes, des avocats, des maîtres de conférences. On a même un magistrat. Donc effectivement, on travaille avec des personnes qui connaissent le droit et on essaye de sensibiliser les parlementaires, donc les députés, les sénateurs, les ministres et également des fois des acteurs locaux. On travaille par exemple avec Éric Correa dans la Creuse qui a monté une initiative de projet pilote pour que la Creuse soit un département qui produise le cannabis médical pour la France. Donc on est associé aussi à Olivier Véran qui est neurologue et qui est président de la commission des lois, donc qui travaille très souvent dans l'hémicycle. Donc on est associé, disons qu'on a été auditionné dans le cadre d'un projet où lui voudrait créer un registre des patients et organiser la production en Guyane. Alors justement, donc vous travaillez beaucoup sur ce sujet, je vais dire, vous creusez des pistes, si je peux dire, en disant cela. Quelle est la perception justement de nos politiques? Parce que quand je vois l'âge moyen de nos politiques, je veux pas dire qu'ils sont tous rébarbatifs. Bon, à un moment, il faut savoir en parler. Parce qu'en parler, déjà, bien souvent, ce qui se passe, c'est que nos politiques ou beaucoup de gens, cannabis égale interdit, égale derrière drogue, égale derrière beaucoup de choses, images qui viennent à l'esprit. Donc justement, c'est d'en parler. Et quelle est la perception de nos politiques à ce sujet, en point de vue général, hein? Bon, elle est très mitigée. Effectivement, on a des gens qui sont très réfractaires, qui veulent même pas aborder le sujet. On a des gens qui se posent des questions, qui sont... Il y a la majeure partie des députés, c'est certainement un ventre mou, qui se posent des questions et qui auraient besoin de plus d'informations pour se positionner clairement, de manière éclairée, en fait, en connaissant les tenants, les aboutissants, parce que c'est une question complexe, c'est une vaste question à la fois de santé publique, mais aussi de sécurité publique, de cohésion sociale, de justice sociale et de respect des droits humains fondamentaux. Donc il y a beaucoup de questions qui sont en jeu derrière cette réforme des lois sur le cannabis. Alors justement, Jean-Luc, toi, tu es coordinateur Aide Grand Est. C'est pas la première fois que tu viens dans notre émission. Non, j'adore venir dans cette radio militante. Merci beaucoup, ça nous fait extrêmement plaisir. Et donc je rappelle www.aide.org, le site sur lequel on trouve beaucoup d'informations. Justement, il va y avoir une action qui va être menée. Drogue, l'interdit protège-t-il toujours? On va en parler déjà et on va rentrer au fur et à mesure, parler un petit peu, rebondir sur ce que vient dire Dr Olivier Bertrand. Juste compléter, vas-y, ce que vient de dire Olivier sur la question de est-ce que nos politiques ont une connaissance suffisante pour pouvoir légiférer entre une loi répressive et une loi qui est plus une loi qui axe la question sur la santé publique. Après, il n'y a pas que qu'il faut convaincre. Et pour les convaincre, il y a une question de pédagogie. Et je pense que cette pédagogie, il faut aussi l'appliquer au grand public, à tout le monde, aux parents eux-mêmes, oui, aux consommateurs, bien sûr, eux-mêmes. Et lorsque l'opinion publique sera largement favorable à un autre modèle sur la question de l'usage des drogues, les politiques suivront. Donc, voilà, l'action qu'on vient un peu présenter, qui s'appelle Support non punish, elle s'inscrit un peu globalement dans tout ce contexte-là. Mais aussi les professionnels de la santé, là je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire, parce que moi je vois dans certains domaines, très régulièrement en contact de professionnels de la santé, que ce soit avec des professeurs ou des médecins, je veux dire, bon, il n'y a pas de ségrégation, mais je veux dire, le monde de la santé en général, profession médicale et paramédicale, dans beaucoup de domaines, des fois, ils peuvent être un petit peu manque d'informations, réfractaires. Je vois par exemple les médecins généralistes avec la problématique de la désertification médicale, ils sont la tête dans le guidon, ils n'ont pas toujours le temps d'être là à l'écoute, à l'information. Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, il y a un manque de connaissances chez les médecins et puis il y a aussi une peur. On ne connaît pas du tout le sujet, ça fait peur, on sait que c'est interdit. On se demande si on ne va pas avoir des problèmes avec l'ordre si on commence à s'intéresser à ce sujet-là. Et effectivement, ça peut arriver, mais si on reste droit dans ses bottes et qu'on sert l'intérêt des patients et qu'on respecte le cadre légal, il n'y a pas de raison d'avoir de problème à discuter de ce sujet. Donc, on voit que les professionnels de santé seraient prêts à prescrire peut-être pour la moitié. En tout cas, moi, dans ma thèse, en 2012, c'était 55% qui seraient prêts à prescrire en cas d'AMM. Ils sont prêts, mais ils sont pas prêts, je veux dire, mais ils seraient prêts à le faire s'ils avaient accès à une formation, donc à plus de connaissances, et s'ils étaient sécurisés sur le plan légal. Donc ma question d'ailleurs, c'était en cas d'AMM, donc effectivement en cas d'autorisation sur le marché, c'est sécurisé sur le plan légal, et pour le médecin, il n'y a plus aucun souci, quoi. Oui, puis déjà, comme tu disais, la tête dans le guidon, manque d'effectifs. Ça fait partie des travaux de mes recherches. Je le signale un petit peu. Sur la question des professionnels de santé, puisqu'on est sur une thématique liée à la consommation de produits psychoactifs qui peuvent potentiellement rendre addicts. Donc, les professionnels de la santé en addiction, globalement, aujourd'hui, et ça monte, on le voit par exemple au niveau de la Fédération Addiction, qui est une grosse fédé qui regroupe énormément de structures de soins autour de la question des addictions et des dépendances. Ils sont très favorables aujourd'hui, un, à un cannabis thérapeutique, deux, à un autre modèle lié à l'usage des drogues, et, en termes de santé publique, à une dépénalisation, voire une dépénalisation de l'usage de toutes les drogues, et sans doute à la légalisation d'un certain nombre, notamment le cannabis, sous une forme sans doute excessivement contrôlée. Alors en France, il existe beaucoup d'actions qui sont menées, et notamment on va parler de cette action, on le rappellera, à Nancy va se tenir un colloque, une conférence, c'est bien ça, drogue de poing, l'interdit protège-t-il toujours? Tu peux nous parler un petit peu du programme, des intervenants, s'il te plaît, Jean-Luc? Très vite, je présente peut-être, mais Olivier va compléter bien mieux que moi. Voilà, c'est pour ça que vous êtes à deux, d'ailleurs. C'est ça, tout à fait. Je crois à la force du collectif. C'est un jeu de rôle, il y en a un qui... Non, mais je crois beaucoup à la force du collectif. La JUP l'épithéraïnisation, etc., qu'on subit actuellement m'inquiète beaucoup. Je crois beaucoup plus au partage des compétences. Donc ça s'inscrit dans un mouvement international qui s'appelle Support Don't Punish. Excusez mon accent, mais French. C'est un mouvement international où partout dans le monde, à part dans les pays peut-être les sociétés les plus répressives, oui. Et il y en a qui mettent des balles dans la tête aux usagers de drogue pour régler le problème des drogues. Partout dans le monde va avoir lieu cette manifestation dans laquelle les gens vont dire non, ce modèle du contrôle de la répression liée à l'usage des drogues, la guerre faite aux drogues et aux drogués, globalement, dans le monde, elle fait plus de morts aujourd'hui que les drogues elles-mêmes. Voilà, ça s'inscrit là-dedans, et donc un modèle de contrôle qui n'est pas lié à la répression de l'usage, bien sûr qu'il faudra lutter contre le trafic, mais la mise sous le marché contrôlé d'un certain nombre de produits psychoactifs est une manière aussi de lutter contre le marché légal. Voilà, ça s'inscrit là-dedans. Et avant tout, c'est une question de santé publique. Soutenir les usagers, et notamment les usagers les plus en difficulté vis-à-vis de leur consommation, et pour eux et pour les autres, une autre politique qui permet de réduire les risques liés à l'usage des drogues est absolument indispensable. Il faut réformer cette loi de 70 qui n'a plus aucun sens. Ce sont les États-Unis qui ont mis la pression à la grande majorité des pays du monde. Eux-mêmes, aujourd'hui, les plus gros consommateurs d'opiacés, enfin c'est 40 000 morts aux opiacés aux États-Unis, le développement du cannabis thérapeutique récréatif, ce modèle-là n'a plus de sens, n'a absolument plus de sens aujourd'hui. Il faut absolument le réformer. Olivier, pour compléter ? Oui, donc pour parler un petit peu des intervenants et plus concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Donc c'est mardi 26 juin à 19h à la faculté de médecine de Nancy, dans le bel amphithéâtre Le Poix, qui peut contenir jusqu'à 300 personnes. Donc venez nombreux, n'hésitez pas. On a deux intervenants qui viennent de Paris. Docteur Marie Geoffrey Roustide, qui est sociologue et chargée de recherche à l'INSERM, qui s'intéresse de près à la question des drogues depuis une vingtaine d'années, qui va venir nous parler des conséquences, finalement, des politiques actuelles et donc, finalement, des enjeux de la dépénalisation. Parce que effectivement, cette campagne « Support, don't punish », qui veut dire donc « Accompagnons, ne punissons pas », est là pour objectif de replacer la santé publique et les droits humains fondamentaux au cœur de la politique des drogues et d'asseoir cette politique sur des évaluations des politiques publiques qui soient des évaluations relativement carrées, relativement scientifiques pour arrêter de mener des politiques sur l'arbitraire ou sur des préjugés ou des idées qu'on pense des idées de bon sens mais qui finalement il faut se méfier parfois des idées de bon sens l'idée de l'IDPC, l'International Drug Policy Consortium, qui a lancé cette campagne Support Don't Punish en 2013, qui aujourd'hui est dans 80 États à travers le monde, 80 pays, c'est vraiment d'asseoir les politiques des drogues sur des évaluations des politiques publiques, scientifiques et carrées, dans le respect de la santé publique et des droits humains fondamentaux. Donc pour revenir aux intervenants, Marie Geoffrey Roustide, quels sont les enjeux de la dépénalisation ? Et la deuxième thématique, ce sera sur le cannabis médical. Et là, on invite Dr Bertrand Lobo, qui est médecin addictologue et qui a déjà fait de nombreux certificats d'attestation d'usage thérapeutique du cannabis, même des prescriptions, donc qui a déjà une expérience clinique et qui a un recul en la matière, d'une vingtaine d'années déjà, et qui est co-auteur de plusieurs ouvrages en addicto et particulièrement sur le cannabis. Après ces deux présentations, il y aura un échange avec la salle à chaque fois. Et puis après, on organise une table ronde avec des intervenants locaux, notamment Eric Boccarelli du syndicat de la magistrature, Yann Dos Santos qui travaille à la PJJ, donc judiciaire de la jeunesse. La protection judiciaire de la jeunesse. D'accord. Une maman de toxicomane, qui est anciennement association parents contre la toxicomanie, des enfants, devenue aujourd'hui ADER, et puis Jean-Luc. Et moi. Jean-Luc, voilà, qui intervient dans le cadre de l'association Aide en tant que représentant et coordination. Sur la question plus globale de la réduction des risques liés à l'usage des drogues. Ouais, voilà. Donc là, ce sera un véritable échange ouvert avec la salle. Il y aura une heure et demie qui sera réservée à des échanges entre cette table ronde et la salle. Alors, c'est la première fois, non C'est la deuxième année qu'on organise une conférence dans le cadre de la campagne Support Don't Punish. Est-ce que sur le site www.normal.fr, on retrouvera un compte-rendu, on retrouvera certaines choses, informations par la suite? C'est prévu? Oui, alors disons que là, c'est un groupe local, c'est le groupe local Lorraine de Normal France qui fait l'action. Donc, on pourra être relayé au niveau national. Il va juste falloir que je m'en occupe et que je fasse un petit article. je te mets pas la pression, simplement, je te donne du travail peut-être en plus. Mais bon, je pense que c'était prévu. Rappelle la date, Jean-Luc. Et donc, juste pour compléter, c'est que le groupe local, oui, qui a Nomme Plus, mais il y a aussi d'autres associations partenaires. Hein. Pardon, d'accord. C'est plusieurs associations. Oui. Médecins du Monde. Hein, Médecins du Monde. Qui aurait pu être aussi présent avec nous aujourd'hui. On les embrasse très très fort, une association très militante aussi. Empatex. Comment ? Empatex. Empatex, qui est l'association des étudiants de la fac de médecine, qui sont fortement mobilisés et qui vont mobiliser leurs collègues étudiants en médecine, les futurs professionnels de santé, à venir discuter avec nous de cette question d'avenir d'un point de vue médical. Voilà, et l'association aide également. Alors, on parle de la législation aujourd'hui qui est existante. Moi, ce que j'en retiens, là, déjà, la législation n'est pas adaptée. Que serait-il nécessaire de faire, justement, pour rendre cette législation adaptée ? Parce que je pense, en amont, petite parenthèse, le but étant, c'est que les gens ne consomment pas, de cannabis. Le but. Alors, le but, c'est d'arriver zéro drogue, que ce soit cannabis. Si le but, c'est d'arriver à zéro drogue, c'est une très jolie, vilaine, je sais pas, utopie. Ouais, utopie, ouais. Enfin, un monde sans drogue, je veux bien qu'on y croit, mais montrez-moi le modèle d'un monde sans drogue. Donnez-moi. J'ai un médecin qui disait temps, les hommes se percent, se tatouent et se droguent. Tout temps. Et pas que les humains, les animaux également. Alors là, devant la table, là, j'ai une drogue, c'est la caféine. Ouais. Donc les drogues sont omniprésentes dans notre société. On vit dans une société addictogène. Donc ça, c'est justement le dogme sur lequel repose la loi de 70. C'est on va pouvoir éradiquer les drogues. D'un côté, je dis ça, les drogues illégales, pendant que de l'autre côté, on va arroser avec des drogues légales remboursées par la Sécurité sociale, benzodiazépines, hypnotiques, neuroleptiques et compagnie. Donc, c'est un poids, deux mesures. Hein. Ouais, ouais. Et puis, drogues légales, hautement nocives et toxiques et coûteuses en termes de santé publique. Enfin, le tabac, c'est 75 000 morts par an, l'alcool, 50. J'en passais des meilleurs. Donc l'idée, c'est de sortir du dogme zéro drogue, puisque moi, en tant que médecin, clairement, je dispense des drogues, donc effectivement à visée thérapeutique, mais pour moi, tous les produits que je manipule, c'est effectivement des drogues, des produits actifs, des principes actifs. D'ailleurs, en anglais, la traduction de drugs, c'est médicaments, il n'y a pas le mot drogue, donc c'est quand même intéressant de voir que chez les Anglais, les perceptions peuvent aller un peu plus vite. Oui, parce que aussi ce qu'on disait, par exemple, c'est partout. On peut retrouver, par exemple, dans l'agroalimentaire. On rajoute des sucres, on rajoute du sel, on rajoute des adjuvants qui, dans le temps, donnent une certaine addiction. Parce qu'on parle d'addiction générale, beaucoup plus large. Et on oublie de le dire, par exemple. Et puis, avec l'huile de palme et compagnie, avec toutes les conséquences. Mais bon, pour en venir. Et puis, sur la question du zéro drogue, moi qui travaille dans une association de lutte contre le suicide et les hépatites, on peut faire un parallèle entre la réduction des risques sexuels et la réduction des risques et l'usage des drogues. Pour moi, il n'y a pas de différence, c'est de la réduction des risques. La réduction des risques et l'usage des drogues, si l'objectif c'est zéro drogue, la réduction des risques liés à l'usage sexuel, l'objectif c'est zéro pratique sexuelle. Enfin, on voit bien que c'est sex, drug, musique, rock and roll, tout ça sont liés. Il y a aussi la question du plaisir. Il ne faut pas se fixer comme objectif de zéro consommation de produits psychoactifs, il se fixer comme objectif d'une consommation modérée, contrôlée en termes de qualité des produits et accompagnée par tous les acteurs, y compris les parents, et comme le dit Olivier, c'est loi 70, elle déresponsabilise les parents vis-à-vis de cette question-là. Donc l'idée, oui, c'est pas zéro, c'est de changer le dogme, mais c'est de dire, on va limiter les risques, on va encadrer les consommations pour, au contraire, limiter les risques, parce qu'on a vu que les politiques actuelles, en fait, elles augmentaient les risques. On sait, par exemple, que les politiques répressives, c'est un frein à l'usager pour aller rencontrer des professionnels de santé, c'est un frein aux mesures de réduction des risques. Incitateur de la jeunesse, et pas que à consommer. Oui, donc ça faillit complètement dans son objectif de protéger la jeunesse, puisqu'aujourd'hui, on voit qu'une partie du marché, elle est donnée aux lycéens. Enfin, c'est les lycéens qui vont sur le marché, même des fois les collégiens, ou les étudiants. Donc, il est temps de donner cette filière-là à des gens responsables. Qui sont formés et dont c'est le métier. Et justement, est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues, qui sont menées auprès des lycéens dans le cadre de la prévention ? Parce que je vois aujourd'hui, je suis pas là pour taper sur nos politiques ni quoi que ce soit, mais on voit que les moyens sont limités. Par exemple, on a réduit des budgets sur la prévention bucco-dentaire, mais est-ce qu'on vous donne des moyens pour aller informer sur le terrain les étudiants, les élèves, sur la prévention, justement, sur les risques éventuels d'usage de stupéfiants et autres. Nous, on a pour ambition de répondre à des appels à projets et de proposer également un projet qui s'appelle Conso Responsable, qui va définir le cadre des bonnes pratiques de la consommation du cannabis et tout ce qui développait tous les aspects de réduction des risques. Donc, par exemple, la fleur de chanvre, la fleur de cannabis, elle se consomme pas en la fumant. On peut la vaporiser, on peut l'ingérer. Donc si on change le mode d'administration, on va réduire considérablement les risques, là notamment de cancer ou de maladies cardiovasculaires. Si on l'utilise sans tabac, on va réduire l'addiction même au cannabis, parce qu'on sait que l'addiction au cannabis est multipliée par deux si on mélange avec le tabac. Ouais. Donc il y a une éducation de la population à faire, et aujourd'hui on peut pas vraiment la faire parce que le sujet est beaucoup trop tabou sur le plan sociétal, et il faut donc effectivement sortir de ce tabou pour pouvoir mieux éduquer la population, les parents et les usagers. Les principes de la consommation responsable, c'est également la modération, évidemment, comme avec tous les produits, et notamment aussi le micro-dosing, c'est-à-dire consommer des toutes petites doses. Et puis, c'est également consommer des bons produits. Et ça, pour ça, on a vraiment besoin que de réguler, parce que pour le moment, ce qui circule, ça peut être tout et n'importe quoi. Cet après-midi même, je vais apporter au centre antipoison un échantillon de fleurs de chanvre avec une suspicion de coupe avec un produit médicamenteux. Effectivement, donc ça c'est le problème. Ça permet donc justement de réguler. Et aujourd'hui, justement, comment ça se passe ? Comment se situe la France sur un point de vue européen et mondial en termes de législation, en termes d'information ? Est-ce que nous sommes vraiment, parce que moi de ce que je vois, on est quand même hyper répressif aujourd'hui en France. C'est pas bien, on te punit, boum. Comme on disait tout à l'heure sur d'autres produits d'addiction, par exemple, je prenais les huiles de palme et compagnie, certaines addictions au sucre et compagnie. Là, on met pas sur les coca et compagnie. Tout simplement l'alcool et le tabac. L'alcool et le tabac, on est d'accord. Donc puis, justement, comment se situe aujourd'hui ? Moi, je pense que c'est surtout le discours qui est répressif. Parce que dans les faits, même les magistrats, même les policiers, même les gendarmes, ils pensent que c'est une grosse connerie de poursuivre, de condamner, de mettre en prison les personnes pour usage. Alors oui, on a la loi la plus répressive, théorique, mais elle n'est même pas appliquée, en fait. Donc c'est bien la preuve qu'elle ne fonctionne pas, qu'elle est contraire à la réalité du terrain. Je ne serais pas aussi enthousiaste. Effectivement, il y a quelques policiers sympathisants, magistrats sympathisants, mais on a aussi qui sont très réfractaires, qui sont encore dans le dogme de la politique zéro et d'éradiquer les drogues un peu à la manière Duterte aux Philippines. Vous savez qu'aux Philippines, il y a eu plus de 20 000 exécutions, dont une grande majorité étaient des exécutions extrajudiciaires, faites par la police ou par des milices armées, exhortées par le président à tuer à vue les usagers de drogue et les trafiquants de drogue. Oui, carrément. Ouais. Alors, la France... Et avec oui, 80% pardon. Des Philippins qui soutiennent la politique de Duterte en la matière. Drogues, oui, parce que derrière... Il y a une propagande, il y a le sentiment d'efficacité, il y a le sentiment de enfin mettre les pieds dans le plat et vraiment... Alors, c'est pas la France, heureusement. Non, mais tout ça pour dire qu'on n'est pas le pays le plus répressif au monde. Il y a encore la peine de mort dans 26 pays, dont pour trafic de stupéfiants, donc dans 26 pays à travers le monde. Donc, on fait partie des législations les plus sévères d'Europe, avec un résultat qu'on connaît, c'est-à-dire parmi les plus gros consommateurs. D'accord. Avec les Tchèques et les Espagnols. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de conséquences directes entre niveau de consommation et interdit. On sait par contre qu'entre niveau d'encadrement, s'il y a un encadrement approprié, là on va pouvoir faire baisser les consommations, notamment chez les jeunes, à terme. Mais justement, au niveau européen, la France... Alors, le Portugal, c'est à l'opposé. On a la France qui est au milieu. On a vu les exécutions d'un côté. Il y a le Portugal qui a dépénalisé l'usage de toutes les drogues. Ouais. Toutes les drogues, hein, pas que sur le cannabis. Ouais, depuis 20 ans maintenant, les résultats aujourd'hui sont tout à fait probants. En termes de santé publique, baisse des consommations... y compris chez les jeunes, baisse des contaminations, c'est un peu le domaine de l'épidémie, pour le coup, ça fonctionne aussi, c'est pour ça qu'elle est très acteur et actif sur la question de la dépénalisation de l'usage des drogues, parce que interdire, c'est empêcher des politiques de réduction des risques qui vont être efficaces sur la santé des usagers, baisse des contaminations de l'hépatite C au Portugal chez les usagers de drogue par voie intraveineuse. Finalement, interdire, c'est exposer à beaucoup plus de risques, encore. Le produit est déjà un peu risqué, il y a un risque d'addiction, il y a un risque, une toxicité, donc effectivement il faut l'encadrer, mais si on l'interdit, bah on va développer, multiplier les risques en fait, et pour les usagers et aussi pour la société, parce que les règlements de compte à Marseille, qui sont, il y en a plus d'un par mois, avec des morts par balle qui ont moins de 20 ans, c'est la conséquence directe de l'activité de la police. Ce que je vous propose, on arrive déjà à notre... demi-heure, c'est qu'on se fasse une courte pause musicale et on va revenir après ceci. We're stuck here where the many pains, where the letters, hearts once open and now closing down. They wanna get even, want the joker, one threat smearing all over me. No one to notice, recognize me, no call for an all, and can wash it all away. For here we must be, for here we must stay. Always I try, always to disappear, it's not enough to die. And we're stuck here, here where the many pains, where the letters of bigger pictures says we belong. All together, that's every song, this body of mine, this humanity is what I love, what I hate me. No escaping, no way out, no running away. For here we must be, for here we must stay. Always will I try, always to disappear, it's not enough to die. No, try always to disappear, it's not enough to die. Nous sommes de retour sur le plateau de notre magazine Libre-Échange. J'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui notre ami Jean-Luc Ferry, qui est coordinateur au niveau de Aide Grand Est pour l'association justement Aide, www.aide.org, et le docteur Olivier Bertrand, qui est médecin généraliste, addictologue, entre autres, qui est membre du bureau exécutif de l'association Normes. Normel.france, www.normel.france, www.normel.fr, donc normel, normal sans le A, c'est très plus simple. Juste avant cette pause musicale, donc on parlait un petit peu justement au niveau comment se situe la France, quels sont les pays sur les pays qui travaillent justement la lutte contre les addictions et notamment une façon de canaliser, je veux dire, hein, d'avoir une autre perception sur au niveau des addictions, au niveau, je veux dire, des drogues, on va dire général, mais particulièrement le cannabis, et au niveau justement la Hollande, là j'étais il n'y a pas longtemps, on voit avec la législation, est-ce qu'elle est déjà adaptée ? Parce qu'il y a quand même une certaine liberté en Hollande par rapport à la France. Et d'un point de vue, je veux dire législation, d'un point de vue, par exemple les coffee shops, est-ce que c'est des choses envisageables ici en France, dans le temps ? Quel est l'intérêt ? Qu'est-ce qu'on pourrait en retirer ? Si on faisait une analyse, les points positifs ou à améliorer ? Écoutez, aux Pays-Bas, la situation, effectivement, il y a une tolérance depuis 1976, avec c'est une tolérance municipale, donc des décrets. Dans la loi, c'est interdit. Donc c'est pour ça que la question de la production n'est pas réglée et toute la production aux Pays-Bas est totalement illégale. D'ailleurs, seulement 20% sert à ses propres besoins, 80% de la production hollandaise part à l'export, notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Ce qu'on voit, donc ça c'était juste pour replacer qu'en fait ils n'avaient pas vraiment régulé encore. Mais là ils sont actuellement au Parlement néerlandais, ils sont en discussion pour justement commencer à légiférer sur la production et pouvoir encadrer et donner des normes, là encore une fois, des normes de qualité de production pour comme tout autre produit de consommation. Donc le résultat, c'est qu'on a une consommation chez les jeunes qui est deux fois moindre. Alors on peut pas associer directement la politique de tolérance à ce résultat, mais on peut observer clairement quand même qu'il y a un niveau de consommation qui est deux fois moindre chez les jeunes et que c'est un sujet qui est beaucoup moins tabou dans la société hollandaise. Les parents ont éduqué leurs enfants et on peut penser que c'est en partie grâce à ça qu'on a une consommation qui est deux fois moindre. Jean-Luc, tu voulais rebondir ? Non. J'aime bien. Donc, c'est possible en France. Chez Normal France, on prône une régulation totale de la filière cannabis, donc c'est-à-dire à la fois des fleurs disponibles en pharmacie, mais également le droit de disposer de quelques pieds chez soi, par exemple un maximum de 5 pieds en autoproduction. Et quel cas, une époque en France ? Également un modèle associatif qui est intéressant parce qu'il permet l'éducation par les pairs et c'est un modèle de circuit court, de développement durable comme une espèce d'AMAP du chanvre, ce qu'on appelle le Cannabis Social Club. Donc c'est une association, il faut être parrainé pour rentrer, il n'y a pas de publicité et il n'y a que des adultes, il n'y a que des usagers et on y pratique les conseils de réduction des risques. Donc ça c'est un modèle qui serait intéressant parce que ça sort du circuit lucratif, donc on ne va pas être là pour produire un maximum et vendre un maximum de produits, mais au contraire pour encadrer l'usage et adapter la production aux besoins. Et puis le dernier modèle, ce serait quand même le cannabistro, effectivement, qui serait un modèle type coffee shop. D'accord. Mais alors avec une régie française du cannabis, comme on avait à l'époque. Absolument, et des produits contrôlés. Une régie française du tabac. Ce qui existe aujourd'hui à l'opposé de ce modèle-là, c'est tout ce qui se passe dans la dark zone. Là, on parle de ce qui n'existe pas, mais voilà, c'est ça. Et c'est l'opposé en termes de santé publique et de contrôle des produits. Aujourd'hui, si on veut parler des drogues en général, mais par exemple du cannabis de synthèse, j'ai presque des réticences à en parler, tellement que les produits qu'on peut acheter sur Internet sont excessivement nocifs, sur ce qu'on appelle les NPS, les nouveaux produits de synthèse, dans lesquels c'est tout et n'importe quoi, des produits excessivement addictogène, excessivement toxique et mortel. On peut faire une overdose au cannabis de synthèse. Il y a des jeunes dans le coma qui ont commandé 1 gramme de poudre, parce que le cannabis de synthèse, c'est de la poudre. Avec un sachet d'1 gramme, vous allez pouvoir faire 50, 100 joints. Et ben, plusieurs ont fumé. J'ai eu la situation de 2 jeunes, ils ont chacun commandé un sachet, ils l'ont fumé en un pétard. L'un est dans le coma et l'autre est décédé. C'est le modèle opposé, il n'y a qu'à pas réguler, il n'y a qu'à laisser les gangs internationaux en Chine et ailleurs produire des drogues de synthèse excessivement dangereuses. Voilà, continuons à faire comme ça. On le voit aux États-Unis, et je termine sur les opiacés de synthèse, avec des nombres de morts au fentanyl, qui est donc un opiacé de synthèse qui multipliait par 10, 100, 1000 la puissance de l'héroïne, avec des décès absolument phénoménaux. Pour l'instant, sur la question du fentanyl et ses opiacés de synthèse, on est un petit peu protégé encore en France, ça n'arrive pas, mais ça arrive quand même ça arrive aussi en France, et on va avoir des overdoses au fentanyl, et on commence à avoir des overdoses au fentanyl en France. Oui, mais le problème, c'est l'autre modèle de ce qui existe aujourd'hui, parce qu'on n'est pas capable de réguler. Oui, mais réguler, c'est très difficile, parce que tu vas sur Internet, tu trouves ce que tu veux. Je veux dire, tu trouves oui, de, mais de s'il tout y avait une quoi. Offre légale d'un cannabis de qualité, bien sûr. Pardon. Et s'il y avait une offre légale d'un cannabis de qualité garantie par l'État, est-ce que on pense sérieusement la majorité des gens irait sur le darknet acheter des produits, n'être pas sûr d'être livré, ne pas être sûr de la qualité, ne pas être sûr de ce qu'il y a dedans, ou acheter un produit peut-être un peu plus cher, mais avec des gages de qualité? 95%, 99% de la population va aller vers le marché légal. Effectivement, il y aura toujours une marge qui voudra se risquer à des produits inconnus, qui voudra se faire du fun avec le dark web. Mais il faut bien dire aujourd'hui qu'effectivement, l'interdit, ça expose. Et là, on est dans une explosion des produits de synthèse. Et une accessibilité extrême. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, à 12 ans, depuis son smartphone, si on est un minimum geek et qu'on a chargé le fichier Tor, enfin, ce qui permet d'aller sur le dark web, c'est très facile. C'est pour ça que j'avais peur de le dire. C'est extrêmement facile. Et aujourd'hui, du coup, là, aujourd'hui, continuer encore à chasser le cannabis naturel produit par des gens responsables, c'est développer tout ce marché-là illégal, dangereux, sur lequel on n'a aucun recul et extrêmement accessible aux mineurs. Et d'où l'importance de toutes ces associations, notamment Aide, là, dont on parlait, Normel et également .fr, sous lequel on retrouve des informations. Rapprochez-vous aussi des professionnels de la santé, votre médecin, pour en parler. Et je veux bien vous donner un site en plus, voire deux. Un, vas-y. Je me rappelle sûr, c'est Psychoactif. Voilà, vous allez sur Google, vous tapez Psychoactif. Il y en a un autre aussi qui fonctionne très bien, mais j'ai un vieux doute sur le nom, peut-être qu'Olivier le connaît. Et là, vous aurez des forums de discussion de gens qui connaissent les drogues. Des professionnels de la réduction des risques, pas assez. Je pense que sur la question des drogues de synthèse, par exemple, on n'est pas assez, nous, les professionnels de santé, sur ces sites-là, sur ces forums-là, parce que des usagers qui sont en difficulté, qui rencontrent un produit, qui se posent des questions, ils peuvent aller sur des sites comme ça et avoir des réponses et des échanges. Et c'est beaucoup de l'échange communautaire, dans le bon sens du terme. Les usagers parlent aux usagers. Nous sommes une association de santé communautaire et nous pensons que le côté communautaire dans l'échange autour de la santé est tout à fait intéressant. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable, façon de dire, dans le projet en disant, par exemple, j'ai relevé, exemple, qu'on puisse avoir en production personnelle 5 pieds chez soi, mais c'est difficilement contrôlable, parce qu'il y aura toujours des petits malins. On fera ce qu'on appelle un registre municipal, et il faudra juste se déclarer en mairie, et on sait qu'à tout moment, on peut avoir un contrôle pour vérifier que le nombre de plantes est bien conforme à ce qui est déclaré en mairie. Oui, mais là, on ne va pas pouvoir. Je suis toujours avocat du diable, je fais exprès. C'est pour justement donner, voir un petit peu par rapport à ça, donner de l'information à notre public. Derrière, le petit malin qui va en produire 10, 15, se faire. Mais c'est déjà le cas. Il y aura toujours des dérives. Mais c'est déjà le cas. Chez le copain, chez le voisin. L'idée, c'est qu'on va couper l'herbe sous le pied de l'ensemble du trafic. Sûr. Et effectivement, il restera peut-être 20%. Oui, parce que dans le bâtiment, il y a 20% de black. Parce que dans la restauration, il y a 20% de black. Bon, en médecine, ça va, a priori, on travaille, on déclare tout. Quoi, mais... Parce qu'il y a 20% de politique. C'est très difficile. Ouais, c'est plus difficile avec la CPI. Et on a droit à des actes gratuits avec l'acte, selon le serment d'Hippocrate. Et puis je veux juste. Mais effectivement, parce que c'est un système qui est plus contrôlé. Oui, donc le black n'est pas possible. Donc on voit que le niveau de contrôle qu'on met, c'est ça qui va faire qu'on va faire une bonne politique de régulation. Donc souvent, dans l'idée des gens, réguler, c'est libéraliser et distribuer le cannabis. Dans les écoles. Au contraire, c'est sortir le cannabis des écoles, mettre des normes, des règles et encadrer véritablement l'usage pour mieux réduire les risques. Vas-y Jean-Luc. Et sur la question de la consommation du cannabis, et notamment chez les jeunes, mais pas que. Le trafic aujourd'hui, le cannabis, c'est des 80-100 principes actifs différents. Dans une tête de bœuf, vous avez 40-60-80 principes actifs. Et il n'y a pas que le THC dans le cannabis. Il y a aussi notamment le CBD qui est le principe actif le plus utilisé dans le cannabis thérapeutique. Aujourd'hui, le marché, qu'est-ce qu'il propose ? Il fait son merchandising sous le dosage en THC. Ce qui est interdit dans le cannabis en France, c'est pas tous les autres principes actifs, c'est juste le THC. Eh bien, produisons un cannabis faiblement dosé en THC ou sur les normes des cigarettes, avec un dosage de nicotine à 11, à 6, à 3, à 0, et je baisse. Peut-être que je suis jeune, peut-être que je fume comme je bois, en binge drinking, en binge fuming, mais peut-être quand j'ai 40 ans, 30 ans, 40 ans, 5 ans, que je commence à avoir des enfants, etc. J'ai envie de continuer une consommation occasionnelle et contrôlée et d'un produit faiblement dosé en THC, parce que le THC, il est psychotrope. Les autres principes actifs, notamment le CBD, il est plus psychoactif. Le THC, c'est la défonce. Le CBD, c'est la relaxation avec les autres principes actifs. Faisons la promotion, y compris chez les jeunes qui étudient, enfin, les pertes de la mémoire chez les jeunes qui fument, enfin, qui ont des difficultés scolaires liées à la consommation de cannabis, c'est le THC et c'est la perte de la mémoire qui va avec. Olivier, est-ce que je dis pas de conneries ? Un petit peu. Non, non, c'est plutôt pas mal, mais disons que là, il y a... Compliment en plus. Et ouais, moi, Olivier, il va désirer des compléments d'information. Mais moi, je ne suis pas médecin. Disons que c'est très en vogue en ce moment. Une liberté cannabis, de parole qu'Olivier peut peut-être pas avoir. Ce cannabis ultra light, ces fleurs de chanvre à moins de 0,2% de THC, qui en majorité à 95% sont importés de la Suisse, qui a développé ce marché-là déjà depuis plus d'un an. Et donc, ça arrive en France. Il y a une boutique qui est prévue d'ouvrir à Nancy, Saint-Seb, au 13 juin. Donc effectivement, on va y vendre de la fleur de chanvre et tout un tas de produits dérivés à base de chanvre, mais de la fleur de chanvre dite ultra light, c'est-à-dire à moins de 0,2% de THC. Ceci dit, on est dans une zone grise. En théorie, jusqu'alors, il n'y avait pas d'exploitation dans la plante de chanvre, on exploitait que la tige et la graine. Aujourd'hui, maintenant, les commerciaux veulent exploiter la fleur, mais ça, c'est pas vraiment dans les clous de la législation de 88 qui autorisait uniquement l'exploitation de la tige et de la graine. Les autorités, pour le moment, on a l'impression qu'elles laissent faire. Hein, ils payent des taxes, ces gens-là, donc ça crée de l'activité économique. Et si jamais il y a des problèmes, certainement il va y avoir des fermetures administratives qui vont arriver. Sûrement, et seuls les plus aguerris, ceux qui font les choses les plus dans les clous, ceux qui respectent les règles de l'étiquetage, les règles de la traçabilité. Toutes les règles et les autorisations, et qui ont les autorisations, a priori, eux pourront continuer leur activité. Et ça pourrait être un outil de réduction des risques énorme. Intéressant, ce cannabis ultralight. Alors, c'est une hypothèse. Pour le moment, on n'a pas encore, on n'a pas d'éléments, ni de nombreux rapports de cas, ni d'études cliniques, encore moins d'études cliniques sur cette question-là. Mais en Suisse non plus, parce qu'ils produisent énormément de cannabis faiblement dosé en THC, donc ils ont un peu de recul là-dessus, non ? Oui, mais ça fait seulement un an, donc ce serait intéressant, effectivement, de voir si y a eu une réduction des consommations de cannabis en Suisse depuis l'arrivée du... Parce qu'effectivement, c'est un produit qui sera clairement moins addictogène, parce que l'addiction est liée au THC, et au contraire, le CBD, le cannabidiol, aurait peut-être des vertus anti-craving, c'est-à-dire quelque chose qui permettrait au contraire de maintenir l'abstinence et donc un outil, justement, de lutte contre l'addiction. Comme on a le baclofène pour l'alcool. Qu'on peut utiliser qu'on peut utiliser justement pour lutter contre les addictions et, je veux dire, en thérapie médicale. C'est ça. Et là, par contre, on a quand même pas mal de rapports de cas de gens qui ont réussi à arrêter beaucoup plus facilement, que ce soit l'héroïne, l'alcool, le tabac et le cannabis en utilisant le cannabidiol. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, en normalisant certaines choses, je me fais toujours un peu l'avocat du diable. On t'arrête maintenant. En parallèle. je vais me faire amender. Non, je rigole. Bien sûr. Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, derrière un peu à l'image du tabac, taxation, l'État se dise, comme il y a un déficit budgétaire. Mais ce n'est pas un risque, c'est une chance. Oui, c'est une opportunité. Mais tant mieux, allons-y, les paysans de la Creuse. C'est une opportunité, mais ce serait bien qu'il n'y ait pas un lobbying comme les alcooliers qui se construisent qui est toute puissance et qui impose les lois à l'industrie et aux labos sur cette question-là. Et de retomber, sur un système de contrebande qui existe dans le tabac aujourd'hui, par exemple. C'est pour ça qu'on porte le modèle du Cannabis Social Club et le modèle de l'autoproduction limitée dans un cadre, notamment dans un cadre médical. Ouais. Parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais au moins, c'est-à-dire que les patients patients, eux, c'est ceux qui ont besoin de se soigner avec du cannabis, vraiment, c'est important de pouvoir leur laisser le droit de cultiver quelques pieds pour dans l'intérêt de leur santé, pour leur confort de vie et certaines fois pour soigner carrément leur pathologie, comme ça peut être le cas dans la maladie de Crohn ou la fibromyalgie, où aucun médicament n'est efficace à l'heure actuelle. Les médicaments qu'on donne, bon, c'est pas, je vais pas dire aucun, mais on a 20% de répondeurs et c'est des effets limités. Ou Alzheimer. Non, ouais, je parlais pour la fibromyalgie. Oui, oui. Bon, sur la maladie de Crohn, on a quand même pas mal de résultats, mais c'est des produits qui sont quand même très costauds avec de nombreux effets secondaires, alors qu'on peut obtenir les mêmes résultats dans la maladie de Crohn avec du THC, dans la fibromyalgie avec du THC et du CBD, sur un temps plus limité, donc un produit plus efficace avec moins d'effets secondaires. Et là-dessus aussi, en parlant de bénéfice-risque, ce qui est important de souligner, c'est que on a souvent l'idée que le cannabis, c'est beaucoup d'effets secondaires et peu d'effets thérapeutiques, alors qu'en fait, c'est précisément l'inverse. Quand on regarde la science et les études scientifiques, c'est des produits, l'ensemble des cannabinoïdes qu'on retrouve dans la plante de chanvre, c'est des produits qui ont une grande sécurité d'emploi. Et donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'overdose possible. Déjà, on peut monter sur des très grosses doses avant d'avoir des effets secondaires graves. Et aux doses usuelles, on n'a jamais noté d'effets secondaires graves, par exemple, avec le cannabidiol. Et avec le THC, on n'a pas d'effets secondaires graves qu'on peut avoir comme avec les cannabinoïdes de synthèse où on a des comas. Donc, il y a une grande sécurité d'emploi. Et par exemple, et il y a donc en général moins d'effets secondaires qu'avec les autres produits. Par exemple, le cannabidiol, on sait aujourd'hui qu'à haute dose, à 1 gramme par jour, il y a plusieurs études, dont une dernière de 2018, la première était de Levecq en 2006, qui montre que le cannabidiol est un antipsychotique, donc un traitement pour la schizophrénie, et qu'il a les mêmes résultats que les neuroleptiques de dernière génération, avec beaucoup moins d'effets secondaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de poids, il n'y a pas de syndrome qu'on appelle le syndrome des neuroleptiques, en fait. Il n'y a pas de poussée des seins, de montée laiteuse, qui peuvent être embêtants chez un homme avec les neuroleptiques. Donc, il y a moins d'effets secondaires pour une efficacité comparable. Si on en suit le serment d'Hippocrate, balance bénéfice-risque, primum non nocere, alors on devrait être dans une logique de première intention, alors qu'en France, on est, attention, les cannabinoïdes, c'est grave, c'est dangereux, risque de dérive, dernière intention, attention, contrôle extrême. Et au final, c'est des patients qui sont dans l'attente de traitement et qui souffrent, qui n'ont pas de réponse thérapeutique et qui subissent une triple peine, quelque part, une quadruple si on considère la pathologie. Mmh. Et puis après, derrière, ils n'ont pas accès aux produits, donc sécurisés. Donc ils vont dans la rue, ils ne savent pas ce qui tombe. Bon, souvent, ils ont un ami qui cultive et donc ils sont un peu plus au courant de ce qu'ils consomment. Mais globalement, il n'y a pas d'accès à un produit sécurisé. Il n'y a pas de suivi par un professionnel de santé. Les médecins ne sont pas au courant. Au mieux, ce qu'on a, c'est oh, bah, si ça vous fait du bien, eh bah, continuez, madame. Mais il n'y a aucun conseil sur la vaporisation, sur comment consommer le cannabis, sur quelle qualité de cannabis. Les médecins ne discutent pas avec leurs patients, donc il n'y a aucun suivi. Deuxième peine. Et troisième peine, bah, ils peuvent se retrouver au tribunal. Et la plupart du temps, on a des juges dubitatifs, des procureurs qui assassinent, des juges dubitatifs, incrédules, qui refusent d'admettre l'usage thérapeutique du cannabis et qui condamnent les gens, parfois, à de la peine de prison, alors que c'est des gens qui cherchent, qui consomment uniquement pour se soigner et être en meilleure santé. Je veux bien rajouter une cinquième peine, c'est qu'on les condamne à devoir utiliser des médicaments hautement toxiques pour leur organisme à long terme. Pas tous, mais on imagine bien que le lobbying des labos pharmaceutiques, vu l'étendue du spectre thérapeutique possible de ce cannabis thérapeutique, il a sans doute pas envie de le voir arriver. Ça, j'en suis absolument certain. Il y a plein de maladies, il y a plein de scandales sur un certain nombre de... Enfin, on ne va pas tous les reprendre, je ne vais pas les reciter là, sur ces médicaments qui sont hautement toxiques. Et je pense que les ouvertures thérapeutiques et la sécurisation en termes de santé publique que propose le cannabis thérapeutique, il faut absolument que les législateurs et nos politiques s'en saisissent et qu'ils arrêtent de subir le lobbying des labos pharmaceutiques. Voilà, justement, c'est ce que je me l'étais noté. Derrière, ne pensez-vous pas qu'il y a des lobbying comme partout, comme on voit avec le glyphosate et compagnie, c'est certain, quoi. C'est... Bien sûr, il y a des lobbying industriels, il y a aussi le lobbying de la société civile. Normal travaille avec les politiques pour changer les lois. Nous aussi, oui, le lobbying. Donc le lobbying, c'est pas forcément négatif. Bien sûr. Et le lobbying industriel, pharmaceutique en tout cas, il n'est pas farouchement opposé, a priori, à la régulation et à l'accès médical. médical, ils voudraient bien être sur le créneau, mais aujourd'hui, les voyants, ils sont au rouge, puisqu'on a le Sativex qui a l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché depuis 2014, et qu'il est toujours inaccessible en France. Donc ça n'incite pas vraiment les labos pharmaceutiques à déposer des licences, puisqu'ils voient bien qu'il n'y a pas de débouchés commerciaux actuellement en France. Oui. Donc c'est bien une volonté politique qui manque. Ils disent que le Sativex, c'est trop cher. Quand on regarde, ils disent qu'ils ne veulent pas le rembourser parce que ça ne rend aucun service médical. Donc en clair, ce qui est dit, c'est que ce n'est pas efficace. Or, ils s'appuient sur des études faibles. Il y a des études beaucoup plus robustes qui montrent au contraire une efficacité importante du produit. Et donc, ils ont quelque part biaisé leurs conclusions en s'appuyant sur seulement une toute petite partie de la littérature. D'où l'importance de cette conférence qui va avoir lieu, drogue 2. L'interdit protège-t-il toujours? Et ce sera, Jean-Luc, redonne-nous la date. Le 26 juin. Et ça se passe où? À l'amphithéâtre de la faculté de médecine. Amphithéâtre Le Poix. Amphithéâtre Le Poix, à partir de... Donc sur le plateau de Brabois, à partir de 19h. Le 26 jusqu'à juin. Tant qu'il y aura du public. Jusqu'à 21h, des poussières 22, avec une petite grignote apéritive sera offerte. Et un pot, donc aux participants et aux intervenants. Tout le monde, vous êtes tous, bien sûr, le bienvenu. Alors, ces informations, on pourra les retrouver aussi sur les sites internet, je présume. On rappelle les sites? Normal.fr, donc normal sans le A.fr. Et non, tu ne l'auras pas sur le site national, l'information concernant... L'information, mais je rappelle quand même le site très important sur lequel on peut trouver beaucoup d'autres informations, et notamment qui parle... C'est les réseaux sociaux surtout, on sera présent aussi, on va publier sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et qu'on retrouvera. Et pour retrouver, donc, il suffit de faire... De taper aide sur Instagram ou normal sur Facebook. Et on retrouve donc ces informations. Et justement, je rappelle le site de aide sur lequel je voulais dire où il y a beaucoup d'informations. Ce sera affiché aussi, un truc tout simple, sur le site de Nancy Curieux. Voilà. un grand classique. Que faire aujourd'hui? Aujourd'hui à Nancy, je m'ennuie. Oh, il y a une conférence hyper intéressante, ouverte à tous, accessible à tous, même si elle est à la faculté de médecine. Les deux intervenants sont des médecins, mais je rassure tout le monde, et moi-même, il n'y aura pas que des médecins. Et je place celui-ci, donc le site internet de aide, www.aide.org. Est-ce que, quelles sont les perspectives à venir dans les 10 ans, 15 ans à venir, Jean-Luc, peut-être? En termes de quoi? D'un autre modèle des drogues, qu'est-ce que ça peut ouvrir? Je ne sais pas, on en a déjà pas mal parlé. Oui. Ce que ça peut ouvrir, c'est une autre politique de réduction des risques. Tu parlais de la prévention des jeunes tout à l'heure. Si on ne modifie pas cette loi, on ne pourra pas aller dans les collèges et lycées faire la promotion d'un cannabis light, on ne pourra pas faire la promotion de l'usage du cannabis sans tabac et sans combustion. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Si demain, on peut le faire, il y aura des professionnels de santé, les parents et les familles qui pourront aussi se saisir de ces questions-là. Donc ce qu'on peut faire dans l'avenir, dans 10 ans, dans 15 ans, moi ce que je pense, c'est que dans 20 ans, peut-être moins, ayons cette politique-là et nous aurons 2-3 fois moins d'usage de cannabis. À 17 ans. À 17 ans. On sera beaucoup plus proche, voire en dessous, de la Hollande sur cette question-là, parce qu'encore aujourd'hui, la Hollande n'est pas allée assez loin, notamment sur le contrôle de la production des produits. Et donc, ce que j'anticipe, c'est 2-3 fois moins de consommateurs de cannabis à 17 ans dans les 10 ou 20 ans. Quel est l'âge critique, si je peux dire, de la consommation? C'est l'adolescence. Est-ce qu'il y a un âge critique parce qu'on aime découvrir l'être humain, la découverte, l'interdit, justement, c'est là où on va foncer aller voir. Est-ce qu'il y a un âge critique d'addiction? Il y a plusieurs facteurs de vulnérabilité à l'addiction. L'âge précoce de consommation est un facteur clairement identifié, majeur. Et effectivement, on sait, et on a une décroissance proportionnelle de l'addiction par rapport à l'âge d'entrée dans la consommation. Quelqu'un qui rentre à 40 ans n'a que 1% de devenir addict au produit. Il va avoir une consommation tout à fait maîtrisée. Donc l'idée, c'est de sortir du dogme de zéro drogue. Les objectifs, dans 10 ans, si on aborde des politiques de régulation, c'est effectivement le recul de la consommation chez les mineurs. Et chez les majeurs, l'objectif, c'est pas tant de faire reculer les consommations, mais que les gens qui consomment, qui ont choisi de consommer, le fassent dans les meilleures conditions possibles, et donc, c'est-à-dire avec modération, ce qu'on sait très bien faire quand on fait de la publicité pour l'alcool et qu'on dit après, attention à consommer avec modération. Et avec un mode de consommation à moindre risque, bien sûr, aussi. Et comme le tabac, moi, il y a une chose qui m'a toujours exaspéré, c'est qu'on fait de la publicité maintenant déguisée pour la vente de tabac, et puis d'un autre côté, on met des budgets pour la prévention. Donc c'est pour moi un petit peu la petite parenthèse, un peu contradictoire. Mais justement, on est sur un modèle aujourd'hui de plus en plus européen, vais-je dire. Est-ce qu'on peut espérer que justement certains pays qui avancent les choses et qu'il y ait une certaine harmonisation, je ne sais pas, une alors jusqu'alors. La Commission de Bruxelles, enfin, ouais. Les instances européennes ont toujours botté en touche une quelconque question d'harmonisation en renvoyant d'une part vers l'ONU, c'est-à-dire qu'il faut savoir que le régime de contrôle des stupéfiants, c'est une invention onusienne, hein, ça a été mis en place par l'ONU dans les années à sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, donc mis en place, l'Europe, une harmonisation, il botte en touche. Cette harmonisation, il botte en touche vers l'ONU, ouais. Et puis il renvoie aussi vers chaque pays en disant vous faites comme vous voulez dans le cadre des conventions internationales. Il renvoie sur chaque nation souveraine. C'est question de sous, cette question parce de que ça les intéresse parce que ça les intéresse, enfin, je veux dire, ça les décharge bien, parce qu'on voit souvent dans d'autres domaines, et là, où intervient l'Europe, je veux dire, en imposant certaines choses, et l'OMS, là-dedans, l'Organisation Mondiale de la Santé, quelle est sa position? Est-ce qu'il y a une position? Est-ce qu'elle intervient? Est-ce que... Jean-Luc, depuis 2009, l'OMS a infléchi sa position par rapport à l'interdit de l'usage et elle conseille maintenant aujourd'hui plutôt une dépénalisation de l'usage parce que oui. Avec cette idée que la pénalisation est plus problématique qu'autre chose. Sur le cannabis médical, elle n'est pas encore clairement prononcée, mais elle demande quand même une déclassification, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est au niveau de l'ONU, c'est considéré comme aucun intérêt médical le cannabis. Et donc ça, l'OMS aujourd'hui demande à ce que l'OICS, l'Observatoire International de Contrôle des Stupéfiants, revoie la classification en expliquant que c'est un produit qui doit être mis dans la catégorie des produits avec bénéfices médicaux. Jean-Luc, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, mais c'est parti entre-temps. Vas-y. Et ça va revenir. Ça va revenir, t'inquiète. Alors, on arrive déjà à la fin de notre émission. C'est vrai que ça passe vite. S'il y avait une conclusion à faire, Jean-Luc, ça serait laquelle? Bah, s'il y avait une conclusion... Venez nombreux le 23, si, dire... le 26. Le 26, non. Hormis cela. Juste avant la conclusion, notre ministre de la Santé a eu des déclarations mi-figue, mi-raison autour de la question du cannabis thérapeutique. Je crois que là aujourd'hui, une porte s'ouvre un petit peu sur cette question-là. Sur ces questions-là, on voit bien, ça ouvre plein de questions hyper pertinentes, hyper intéressantes. C'est au moins que l'on puisse en débattre, en discuter pas dans une vision politique des choses, mais dans une vision de santé publique. C'est la même chose à une époque, dans Haine, nous avions des programmes d'échange de seringues de manière illégale. On l'a bien vu qu'en termes de santé publique, ne pas le faire aurait été... Enfin, aujourd'hui, tout le monde dirait, mais ça a été criminel d'interdire l'ouverture des programmes d'échange de seringues. Et bien, sur ces questions-là, liées à l'usage des drogues dans leur grande globalité, il y a évolué et il faut arrêter d'avoir un discours moral et politique. Il faut avoir un discours et une vision de santé publique. Mais qui repose Olivier. Sur des arguments scientifiques. C'est pas politique, il faut sortir de l'idéologie. Il faut sortir de l'idéologie, en fait. C'est ça qui est important. Et aborder la question de manière pragmatique, rationnelle et scientifique. Et ça, ça permet d'ouvrir les yeux et de mieux comprendre. Et l'idée, effectivement, c'est que l'État prenne ses responsabilités, mène une politique courageuse et responsable qui va enfin réellement protéger la population des dommages liés à la consommation de produits addictifs. Et justement, l'importance à nos auditrices, auditeurs, publics, politiques et toute personne qui veut soutenir les associations, ben, venez déjà en parler la conférence drogue, deux points. L'interdit protège-t-il toujours le 26 juin. Donc, on rappelle le lieu, donc c'est à la faculté de médecine de Nancy, à partir de 19h, à l'amphithéâtre. À partir de 19h. Le point. 18h ou 19h 19h. 19h, ce qu'on a dit tout à l'heure. Jean-Luc, merci beaucoup. Ben merci, plaisir toujours. Olivier, merci et vous êtes les bienvenus pour nous faire un petit compte-rendu peut-être et parler à l'avenir de l'évolution des choses. Et pourquoi pas une émission régulière où les parents, les jeunes pourraient nous appeler de temps en temps, vous appeler, avoir un médecin en face d'eux pour échanger autour de toutes ces questions-là. Ça pourrait être une émission thérapeutique tout à fait intéressante. À réflexion. Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain magazine de libre-échange. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de votre santé. Prenez soin de vous. Et elle prendra soin de vous. Allez, à la prochaine. Libre-échange, Sylvain Blondin.